Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le mag. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Et oui, vous les reconnaissez, ils ont fait chanter, rire et danser des générations entières avec Sins Emilia et ils continuent aujourd'hui d'écrire leur belle histoire sur scène. Mike et Riquet, deux artistes aussi souriants que généreux, débarquent dans quelques jours à la Comédie de Tours avec leur spectacle « Souvenirs de Saltimbanque », un moment musical unique entre confidences et chansons intemporelles. Allez, on se met dans l'ambiance avec un de leurs tout derniers titres, « Sourire aux lèvres ». On avance sourire aux lèvres, on avance sourire aux lèvres. Again and again and again and again. On avance sourire aux lèvres, on avance sourire aux lèvres. On avance sourire aux lèvres. Again and again and again and again. On avance sourire aux lèvres. J'en vois qui perdent la tête, moi je veux me servir de la mienne. La relier à mon cœur, sinon c'est pas la peine. Chercher le positif, quasi quoi qu'il advienne. Again and again and again. J'ai apporté du calme au milieu de l'anxiogène. J'ai apporté du love, y'a que les rageux que ça gêne. Je donne du smile dans ma vie, comme je le fais sur scène. Again and again and again. J'ai mes peurs comme tout le monde, mes colères comme tout le monde. J'ai mes peines comme tout le monde, parce que je suis comme tout le monde. Mais si je prends du recul, juste quelques secondes, je veux propager de bonnes ondes. Respirons deux minutes, accordons-nous une trêve. Pas le temps de baisser la tête, cette vie est bien trop brève. Et si tu me vois courir, c'est que je rattrape mes rêves. Mais toujours sourire aux lèvres. On avance sourire aux lèvres. Oui. On avance sourire aux lèvres. Again and again and again and again. On avance sourire aux lèvres, on avance sourire aux lèvres. On avance sourire aux lèvres. Again and again and again and again. On avance sourire aux lèvres. Et j'avance sourire aux lèvres comme ça depuis enfant. Même quand je chante, sourire tu l'entends. Certains trouvent ça futile, moi je trouve ça important. C'est clair. Au cœur de la sinistre, je big up les résistants à ceux qui se veulent distants. Aux timides hésitants, optimistes débutants. Motivé et constant. Et j'avance en sifflotant. Ce smile c'est mon style. Ce qu'ils en pensent m'est égal. Faut que ça se régale. Ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle. Ce smile c'est mon style. C'est clair. Ce plaisir est légal. Faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Faut que ça se régale. On avance sourire aux lèvres. On avance sourire aux lèvres. Toujours, toujours. Again and again and again and again. Nous. On avance sourire aux lèvres. On avance sourire aux lèvres. On avance sourire aux lèvres. Again and again and again and again. On avance sourire aux lèvres. Sourire aux lèvres de Mike et Riquet dans ce mag. Alors l'an dernier, nous avions eu le grand plaisir d'échanger avec Mike lors d'un entretien téléphonique plein de bonne humeur. Il nous avait parlé de ce spectacle, pas comme les autres, où la musique s'entremêle à des anecdotes pétillantes, des tranches de vie et cette énergie communicative qui caractérise si bien le duo. Il y a de la musique, mais ce n'est pas un concert. Il y a beaucoup, beaucoup de rire. Après, j'ai quand même du mal à dire qu'on est devenu humoriste, parce que c'est quand même pas le cas. Mais je crois que c'est un spectacle dans lequel on se plonge dans nos souvenirs les plus fous de 30 ans de tournée. On va chanter, on va rire ensemble, s'amuser. Voilà, le but, c'est que les gens repartent avec un grand sourire. S'il se passe ça, on a tout gagné. Mike et Riquet seront donc là pour faire vibrer la scène Tourangelle le 7 février prochain à 20h45 à la Comédie de Tours, 39 rue Michelet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places en ligne sur le site de la Comédie de Tours ou sur www.mikeriquet.fr. Et avant de se quitter, on vous laisse un petit avant-goût de ce qui vous attend, le teaser de souvenirs de Saltimbanque. De quoi vous mettre l'eau à la bouche, c'est certain, et vous donner envie d'aller découvrir ces deux fabuleux artistes sur scène. Ce soir, nous accueillons les Stone et Chardin du reggae, les David et Jonathan Isérois. Voici les dignes successeurs des Milli Vanilli. Faites du bruit pour Mike et Riquet. Que dame, bonsoir tout le monde. On est le 21 juin 1991. J'ai 19 ans. Et ce soir, nous donnons notre premier concert. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. En sur mon chemin, le petit. Est-ce que ça vous dit un gros moment d'émotion? Est-ce que vous aimez la virtuosité? Arrête d'en rajouter, s'il te plaît. Je vais appuyer sur vous, on va faire une chanson ensemble, là, maintenant, ce soir, etc. Ça va être bien. Vous écrivez avec nous le prochain album de Sins Emilia, ça va défoncer. Attends, c'est énorme, c'est énorme. J'étais censé placer l'Iliade, Orgasme, Poivron, Chemise, Reggae, Fraternité, Foot, Famille, avec un petit supplément Jean-Pierre Coff si c'est possible. Merci pour l'inspiration. Dans ma salle, il y a la famille. Et il y a une folle qui veut qu'on ouvre nos chemises. C'est quoi ton fantasme? Ici, c'est pas SOS Orgasme. On y retourne, vous êtes notre section cuivre. Ce soir, c'est vous, notre section cuivre. Faites-nous rêver, faites-nous rêver, faites-nous rêver. Viens, viens, viens, viens, viens, viens. Deuxième album. Oh, un disque d'or. Un concert, deux concerts, de plus en plus de concerts, des salles de plus en plus grandes. Encore un album, encore un disque d'or. Un Olympia, une tournée de Zénith, une tournée de Zénith. Des concerts, des concerts, des concerts, des années qui passent, des concerts, des concerts, des concerts, des concerts. Et puis un jour, une idée. Si on faisait des choses qu'on n'a jamais fait, si on allait jouer chez les gens, dans leur salon. Des idées débiles, on en a eu, mais celle-là, elle n'était pas. Et après plein de concerts, jardin, jardin, jardin, vu qu'on ne peut pas aller dans tous les jardins ou dans tous les salons, on a trouvé un grand salon qui peut tous vous accueillir. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite pour aujourd'hui comme pour demain que votre soleil...